copain pour échapper à la pluie. Je suis resté au bistrot du coin pour tromper l'attente et l'ennui. Il y avait quelques mécorales qui avaient l'air d'écluse et sec. Rien à faire que boire avec et devenir bon camarade. On s'est marré comme des bébés à se moquer des Parisiens, des Marseillais et des Lyonnais, et puis aussi des ouais sans pain. Tintin, tintin. Il connaissait bien sûr les gens chez qui j'avais une carrée, des discrets, des pas causants, comme l'île s'étant fabriquée, que la fille était bien jolie, la plus belle dans les parages. Ils auraient aimé qu'elle dise oui, mais elle était si sauvage. Le retour était bien long. Je tanguais comme sur les vagues. Je vais avoir l'air d'un con. Sous la pluie, marcher en zigzag. Mais la journée se finissait et j'étais bien dans mon ivresse. Quand je vis mon lit, j'étais fait et j'y tombais à la renverse. Ta-da-da.